Borina Record présente Roche. Mon frère. Et tu sais que, tu sais, le nouvel album de Roche, mon frère, ça pète tout. Mais sérieux, franchement, si t'as pas de prix, mon frère, ça sert à rien que tu restes sur place, mon frère. Parce que franchement, tu vois, c'est un album qui a beaucoup de couleurs, mon frère. Il a du flow, tu sais écrire, mon frère. Tu es bien fait, la musique, bien posé. Tu sais, c'est pas un truc qu'on entend tout le temps ici. Tu vois. Mais moi, je te dis, franchement, je sais pas si toi, t'en as rien à foutre de l'équipe en français, mais tu dois faire attention. Parce qu'il pète. En plus, tu sais, il est né à Brazza. Tu savais ça? Oh, toi aussi. Hein? Mais franchement, tu sais, avant-hier, là, je suis parti voir auprès de chez moi, là, on parlait de lui. Je disais, putain, mais ce gars-là, il déchire trop. On entend partout, même dans les ans, dans les vagues. Dans les jours, on parle que de lui. Mon frère, sérieux. Mais tu sais, les rappeurs en ce moment, ils doivent avoir peur, toi aussi.